kale guarda tu tu ade kale guarda ade kale guarda ade kale guarda tu tu tu ade kale guarda tu tu le on va ade kale guarda tu tu ade kale guarda ade kale guarda ade kale guarda tu tu ade kale guarda tu tu le kale guarda nous va danser pour les femmes sont mobiles voici de l'Afrique à représenter. Ça marche doudou, viens, fais-moi un petit bisou partout. Oyo Sikos, Vagram, boîte à pute bouillante, Satan, Gauzier, Zabim, Bastère, Saint-Martin, jusqu'à Marinina. On va décaler Guada, décaler Guada, tout, tout. A décaler Guada, décaler Guada. C'est les Sao, Daddy Kimberly. Son Altesse. Ma konami, konami, konami, konami, konami, konami, soit. Décaler Guada, nous va danser. Toutes les femmes sont mobiles.